Les demandes de visa à destination de la France doivent être déposées en personne par chaque demandeur auprès du Centre Visa France sur rendez-vous à prendre par téléphone au 025 77 88 33 ou à l'adresse suivante mz.visafrance.org.